Le père Cossette a écrit « Les cas de folie sont plus fréquents là où les temples sont moins fréquentés, et plus les églises deviendront rares chez les peuples rationalistes, plus les prisons et les hospices d'aliénés se multiplieront. Je vous encourage à lire quotidiennement les évangiles et à pratiquer le bien. Faites des enseignements de notre Maître Jésus-Christ votre nouveau mode de vie. Retirez-vous régulièrement des bruits de ce monde pour marcher avec Dieu dans la solitude. Laissez son esprit vous parler. La véritable piété élève l'esprit et embellit la vie. Jésus a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si nous ne pouvons pas toujours avoir la paix à l'extérieur de nous, nous pouvons goûter à celle qui est intérieure et cachée avec Dieu en nous. L'homme est un temple. Le malheur, c'est que chez beaucoup, ce temple est vide, car il n'est pas fréquenté. Et quand nous y allons, nous n'invitons pas celui pour qui ce temple est fait. Jésus a dit, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Notre cœur est fait pour Dieu. C'est dans le lieu saint du temple de notre cœur que l'Esprit de Dieu désire être invité pour y demeurer et le pacifier. Le cœur est un endroit calme que nous devons visiter souvent. Ce temple, notre cœur, est le lieu de rencontre de l'homme avec son Créateur. Notre cœur est un jardin, c'est le lieu de rencontre de l'homme avec son Créateur. C'est un lieu d'intimité qui doit être protégé des agressions de l'extérieur. C'est un endroit qui n'appartient qu'à nous et à notre bien-aimé Père Céleste. À partir d'aujourd'hui, acceptez Jésus-Christ comme le guide et la lumière de votre âme, le Seigneur de votre volonté et le sage conducteur providentiel de votre vie. Continuez de visiter ce lieu le matin et le soir en priant et de lire les évangiles. Une seule conversation avec Dieu vaut mieux que 1000 conversations humaines. Dieu aime tellement que nous lui parlions qu'après avoir terminé de prier, son esprit vous suivra encore pendant des heures. Jésus a dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. À ma naissance terrestre, j'étais, comme dit saint Justin, un enfant de la nécessité et de l'ignorance. L'humain a perdu son mode d'emploi. Le Christ est venu le lui redonner. Jean-Nicolas Grou a écrit « Qu'on dise après cela que l'école de Jésus-Christ n'est pas celle du bonheur. » Prions. Mon Dieu, nous avons reçu de toi l'ordre de rayonner. Une seule conversation avec toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Rappelle-moi de ne pas me répandre inutilement au dehors, mais à être un homme intérieur, dont la vie est cachée avec celle de Jésus. Je fréquenterai désormais l'Église, car elle est ma mère, que tu as laissée à tes enfants. J'y trouverai foyer, chaleur et nourriture à ta table. Amen.